Jordan, Kim, Nikyoji, Tuan, Wani, Higan, Bissan, Wash, Waguyan, Tagwana, Yam, Yewe, Kichi, Nakachi, Higuan, Nani, Gudin, Gita, Sozonan, Kim, Nikyoji, Tuan, Wani, Higan, Bissan, Wash, Waguyan, Tagwana, Yam, Yewe, Kichi, Nakachi, Higuan. J'fais pas du rap de rue parce que j'viens pas de là. J'viens d'une réserve indienne juste à côté de chez toi. On peut dire que c'est un ghetto, on peut dire que c'est de la merde. Mais une image sur mes mots et viens voir par toi-même. Tu verras que les aînés ont quelque chose à raconter. Tu verras que la jeunesse a oublié de les écouter. Tu liras sur nos visages ton déception et ton courage. Et tu verras que je suis pas le seul qui est prisonnier de la rage. Tu verras un peuple ravagé par l'alcool, intoxiqué par la coke, la violence et les viols. Tu verras que le bonheur ce n'est pas à tout le monde que ça arrive. Tu sentiras un putain de mal de vie. Tu verras que c'est déprimant, tu verras que rien ne change. Tu verras que certains réussissent et la plupart n'ont pas de chance. Et tu verras que certaines réserves boivent de l'eau contaminée. Que le suicide chez les jeunes, on les compte par milliers. Nani Gudin, Gita Sozonan, Gin Nikyoji Tuan, Wani Higan, Bissan Wash, Waguyan, Tagwana Yam Yewe, Gichi Nakachi Higuan. Nani Gudin, Gita Sozonan, Gin Nikyoji Tuan, Wani Higan, Bissan Wash, Waguyan, Tagwana Yam Yewe, Gichi Nakachi Higuan. J'fais pas du rap de rue parce que j'viens pas de là. J'fais du rap de réserve pour les gens de chez moi. Et tu verras que par chez moi c'est semblable à chez toi. Y'a de beaux paysages et de vrais trois rats. Tu verras que l'espoir est mince, mec, l'espoir est là. Malgré la maladie et le haut taux de sida, tu verras des avocats, des docteurs, des gens qui ont le cœur à bonne place, prêts à mourir pour les leurs. Tu verras des guerriers, des gens pleins de courage, un peuple menacé par la loi sur les sauvages. Mais y'a des jeunes ambitieux, plein d'espoir dans les yeux, à qui on a oublié de dire que le monde était à eux. Je rappe avec mon cœur, ma conscience et ma douleur, pour le drapeau de mon pays, celui qui porte notre couleur. Et tu verras que dans ce pays, on est minoritaire. Moi je suis une voix parmi tant d'autres, je suis un révolutionnaire. Nani Gudin, Gita Sozonan, Gin Nikyoji Tuan, Wani Higan, Bissan Wash, Waguyan, Tagwana Yam Yewe, Gichi Nakachi Higuan. Nani Gudin, Gita Sozonan, Gin Nikyoji Tuan, Wani Higan, Bissan Wash, Waguyan, Tagwana Yam Yewe, Gichi Nakachi Higuan. Anishinaabe il lutta de toute la force de son énergie contre la fameuse loi qui parquait les Indiens dans les territoires désignés. Toujours à l'écoute de l'émission Voix autochtone, c'était Samian avec la pièce Mes réserves. Et si tout se passe bien, au bout du fil, nous avons Shani Piap. Quoi, Shani Piap? Quoi, Marlène? Alors, Shani Piap, on t'a contacté aujourd'hui parce que tu organises une marche familiale contre les conséquences des drogues. Oui, c'est ça. Puis je pourrais peut-être commencer à te parler de ma composition que j'ai fait. Ça s'appelle ça s'appelle Poudre blanche sous le soleil du Nord. Mm-hmm. Je l'ai composé un de mes neveux parce que mon neveu c'est un grand gars de 30 ans là qui aimait beaucoup beaucoup chanter. Il composait ses propres compositions, puis il était quand même connu. Puis il allait de village en village pour aller chanter ses chansons. Puis mais un jour il y a eu des problèmes avec les drogues. Ouais. Puis à un moment donné, je lui ai dit à Joachim, j'aimerais tellement t'aider, Joachim. J'ai dit parce que je sais que tu es un grand garçon qui aime la vie, qui aime chanter, puis qui aime composer. Tu sais, il y avait un instrument, un piano. Il était très encouragé dans la vie, là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, ben c'est ça.